بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les règles spécifiques aux femmes, notamment concernant le sujet des menstrues, des lochis et autres. Et aujourd'hui, on va clôturer ce sujet, le sujet des lochis, des menstrues et des métroragies. On va clôturer ce sujet, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, il y aura un examen. La semaine prochaine, il y aura un examen pour ceux et celles qui se seront inscrits, inshallah. Pour ceux et celles qui veulent participer à l'examen, ils envoient un email donc à l'adresse connue. Et bi'idhnillahi ta'ala, ceux-là recevront un examen inshallah ta'ala la semaine prochaine à remettre le jour même, bi'idhnillah, à remettre dans les 24 heures. Tayyib. Donc aujourd'hui, donc on voit la donc les propos du Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala concernant le sujet de la pilule et le sujet de l'avortement. Donc il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah. تناول الحبوب le fait de prendre la pilule. لا بأس أن تناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها. Et donc il dit, il n'y a pas de mal à ce que la femme prenne ce qui va empêcher l'arrivée des menstrues si ceci ne lui fait pas de tort dans sa santé. فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. Et donc si la femme elle prend cet élément, donc les pilules, et que cela empêche effectivement d'avoir les menstrues, alors à ce moment-là elle peut jeûner, prier, faire le tawaf, et tout cela sera accepté venant d'elle comme les autres femmes qui sont en état de pureté. Tayyib, ici, barakallahu fikoum, j'attire votre attention sur le fait que certains savants, ils disent que, justement, le fait de prendre la pilule va avoir un effet néfaste sur le corps de la femme. Le fait de prendre la pilule va avoir un effet néfaste sur le corps de la femme, et c'est d'ailleurs même l'avis de certains professionnels de la santé. Voilà pourquoi nous on va conseiller à nos sœurs, si elles peuvent éviter cela, donc de le faire, inshallah ta'ala. Mais si elles le font, nous ne pouvons pas dire que cela est interdit. Nous ne pouvons pas dire que cela est interdit. Tayyib. Le cheikh qui nous dit hukmul ijhab, le jugement de l'avortement. Il dit ayyatuhal muslima. إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتمي. Ô musulmane, tu es certes responsable, tu es certes, donc un dépôt t'a été donné religieusement concernant ce qu'Allah a créé en toi. Ce qu'Allah a créé en toi, donc, telle que la grossesse. Donc, cet enfant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placé dans ton ventre. Alors, ne le cache pas. Ne le cache pas, car beaucoup vont donc avorter pour cacher la grossesse. Parfois, ça peut être par honte, parce que cette femme n'est peut-être pas mariée. Parfois, ça peut être par crainte de la pauvreté ou autre raison que cela. Al-Muhim, c'est que cette femme va avorter et donc mettre fin à la vie de ce fœtus qui est en elle. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, le Cheikh il nous cite la parole d'Allah le Très-Haut, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Et il ne leur est pas permis, donc aux femmes, de cacher ce qu'Allah a créé dans leur ventre, de cacher ce qu'Allah a créé en elles, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et donc si tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala et au jour dernier, ne cache pas ce qu'il y a en toi. Ne le cache pas. Même si cela était dû à une relation illicite, ou alors même si tu as peur de la pauvreté ou autre. Il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, wa la tahtali ala isqatihi wa at-takhallus minhu bi ayyi wasilatin. فإن الله سبحانه رخص لك الإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك. Et donc il dit le cheikh, et donc ne cherche pas à ruser en essayant de te débarrasser de ce que tu de cet enfant en essayant donc d'avorter par quelconque moyen. Car certes, Allah subhanahu, Allah pureté à lui, il t'a permis de te nourrir, de rompre le jeûne pendant Ramadan, si tu ressens une difficulté pendant la grossesse, ou alors si le jeûne fait du mal à l'enfant que tu portes. Ici, barakallahu fikoum, le cheikh, il aborde le sujet. Donc justement, il dit à cette femme, ne ruse pas, alors que Allah, il te facilite. Allah, il t'a accordé une facilité, et toi, tu vas ruser pour avorter. Mais ici, le cheikh, dans son argumentation, il cite le fait que la femme, il va lui être permis de se nourrir pendant Ramadan, lorsqu'elle est enceinte, à condition que cela soit difficile pour elle. Et à condition qu'elle ait peur pour son enfant. Ça veut dire que si elle ne ressent pas de difficulté, alors là, il ne lui est pas permis de se nourrir. Ça, c'est un avis, barakallahu fikoum, parmi les avis des savants. Le fait de mettre en condition que la femme qui soit enceinte ait peur pour elle-même ou ait peur pour son enfant. Et en réalité, il n'y a pas de preuve concernant cela. Il n'y a pas de preuve concernant cette crainte. C'est-à-dire que dans la législation, on voit tout simplement le fait que cette femme soit enceinte. Elle est enceinte. Qu'elle ressente une difficulté, qu'elle ne ressente pas de difficulté, qu'elle ait peur pour son enfant ou pas. Elle est enceinte, il lui est permis de se nourrir pendant Ramadan. C'est la vie le plus juste. Inch'Allah ta'ala. Le cheikh, il continue. وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم. Certes, ce qui s'est propagé à cette époque, telles que les interventions pour l'avortement, cela est un acte interdit. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها. Si cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, l'âme lui a été insufflée, si l'âme lui a déjà été insufflée, et que cet enfant meurt à cause de l'avortement, alors ceci est considéré comme un meurtre. Kotlan linnefsi, le fait de tuer quelqu'un. C'est un meurtre. En islam. Le fait de tuer quelqu'un qu'Allah a interdit de tuer. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a lié à cela une expiation obligatoire concernant les jugements de responsabilité des crimes. Et le détail, donc, et tout cela en respectant bien entendu les détails concernant la valeur et la détermination de cette expiation. Il dit « Wa min haythu wujubil kaffarati 'inda ba'dil a'imma wa hiya 'itqu raqaba mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn » Et concernant l'expiation chez certains des imams, alors cette expiation est le fait de libérer un esclave croyant. Et celui qui ne trouve pas d'esclave croyant, alors qu'il jeûne 2 mois d'affilée. L'expiation, le fait de jeûner 2 mois d'affilée. Beaucoup de personnes négligent ce sujet, subhanallah. Avortement, avortement, avortement, sans chercher à comprendre c'est quoi le jugement et qu'est-ce que je dois faire. Cela est grave. Le cheikh il nous dit وَقَدْ سَمَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْعَمَلَ الْمَوْعُودَةُ الصُّغْرَى. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Vous vous rappelez du verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la petite fille qui a été enterrée vivante, الْمَوْعُودَة, celle qui a été enterrée vivante, sera interrogée, quel péché, pour quel péché elle a été tuée? Lorsqu'il lui sera demandé pourquoi elle a été tuée, qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour être tuée? Et donc les savants, ils nous disent que cet acte, certains savants, ils l'appellent, ils lui donnent le même nom, El-Mawouda, donc le petit enfant qui a été tué. Mais ici, El-Sohra, c'est-à-dire moins grave, une étape inférieure. Le petit meurtre, si on peut traduire comme ça. Le petit meurtre d'enfant. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه اما السعي لاسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ولم يتحقق موته فان تحقق ذلك جاز انتهى. Et donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, il dit, en ce qui concerne le fait d'accomplir l'avortement, alors cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis tant que nous ne savons pas que l'enfant est mort dans le ventre de sa mère. S'il est mort, alors là oui, il est permis de le faire sortir. Mais s'il n'est pas mort, alors non. وفي قرار مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي. Et donc là le cheikh Al-Fawzan, il va nous citer donc justement une recherche, une fatwa faite par justement les grands savants, la hayat kibar al-ulama, donc le comité donc des grands savants en Arabie Saoudite. Il nous dit premièrement la yajuz isqat al-haml fi mukhtalaf marahilih إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. Et donc premièrement, il n'est pas permis d'avorter dans les différentes quelconques, quelle que soit l'étape de la grossesse, au début, à la fin, au milieu, quelle que soit l'étape de la grossesse, il n'est pas permis d'avorter parce que les gens se disent bon, c'est au début, yallah bismillah. Non. Il n'est pas permis d'avorter, peu importe l'étape de la grossesse. Sauf pour une raison légitime dans la législation. avec des limites très restreintes. Ici, ce qui est voulu, et le shir, il va l'expliquer tout à l'heure, le shir al-Fawzan, les limites restreintes, les savants, ils ont divergé. Lorsque les médecins, ils disent, attention, si la femme continue cette grossesse, eh bien cela va peut-être causer sa mort. Et donc là, on va être entre le fait de laisser l'enfant, donc, grandir dans le ventre de sa mère et prendre le risque que la mère elle meure, ou alors mettre fin à la vie de l'enfant, etc., pour sauver la mère. Là, dans ce sujet-là, il y a divergence. Et donc ici, il nous cite donc cette fatwa des grands savants qui dit que dans certains cas, cela va être permis. Quels sont ces cas-là? C'est ce que je viens de vous citer. Deuxièmement, ثانياً إذا كان الحمل في طور في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة أو تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. Deuxièmement, lorsque la grossesse est en son début de grossesse, première étape, c'est-à-dire dans les 40 jours, les 40 premiers jours. Alors, à ce moment-là, si il y a une bonne raison légiférée, s'il y a un bien légiféré en cela, et le fait de repousser un mal de manière légiférée, ils nous disent, alors cela est permis. Cela est permis. Et c'est, encore une fois, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. En ce qui concerne le fait d'avorter, dans cette même période, à cause de la peur, de la difficulté que cela entraîne, donc la peur de la difficulté de l'accouchement, ou la difficulté de la vie, ou autre, ou alors la peur liée à l'éducation des enfants, ou alors la peur concernant la crainte, du moins liée aux dépenses de la vie, ou alors la crainte liée à l'enseignement de l'enfant, ou toute crainte qui va être liée au futur de cet enfant, ou alors juste tout simplement parce que les deux époux veulent se suffire des enfants qu'ils ont déjà. Alors tout cela n'est pas permis. Toutes ces raisons-là, elles ne sont pas permises. Et donc voilà pourquoi je vous dis tout à l'heure, lorsque les savants ils nous disent « à telle étape c'est permis, etc. » Les gens ils pensent que c'est permis dans toutes les étapes. C'est permis pour toute raison du moins. Non. Certains savants, et je dis bien certains voient que cela est permis dans certaines situations lourdes, comme la situation qui est citée tout à l'heure. La femme dont on a peur qu'elle meure, etc., etc. Salisan. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر اللجنة أو لجنة طبية موثوقة أن في استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلاقي تلك الأخطار. Et donc ici, il nous dit, du moins ils nous disent, il n'est pas permis d'avorter lorsque l'enfant est arrivé à l'étape, donc là on a dépassé les 40 jours, les 40 nuits, lorsque l'enfant est arrivé à l'étape donc de alaqa, c'est-à-dire du sang. Ou alors l'étape où c'est une adhérence, c'est une chair. Donc dans ces deux étapes-là, après les 40, jour, dans ces deux étapes, il n'est pas permis d'avorter, sauf si un comité de médecins ou un comité médical de confiance affirme qu'il y a dans la grossesse un danger quant à la vie de la mère de l'enfant. De telle sorte qu'on craigne que cette grossesse cause sa mort, si cette grossesse continue ou persiste. À ce moment-là, il est permis d'avorter après avoir essayé toutes les méthodes possibles pour éviter cela et pour sauver la femme de ce danger. Et donc, il est important qu'on fasse attention à ne pas prendre des fatawas qui nous arrangent, à ne pas nous précipiter. Ce sujet est grave et lourd. Il est interdit aux musulmans de tuer. Je le dis, je le répète, le meurtre est interdit. Ce qu'il se passe dans la communauté musulmane où certaines personnes vont banaliser le meurtre, cela est grave. Cela est grave. Quatrièmement, بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ولذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Et donc ici, le quatrième point, lorsqu'on arrive à la troisième étape de la grossesse, et donc après avoir terminé les quatre premiers mois, après avoir terminé les quatre premiers mois de grossesse, alors là, il n'est pas permis, d'avorter tant que les médecins spécialistes de confiance, pas n'importe lesquels, hein, des médecins spécialistes dignes de confiance, montrent que la grossesse est un danger pour la mère et que cela peut causer sa mort. Et cela est permis après, comme l'étape précédente, comme on a dit auparavant, cela est permis après avoir essayé tous les moyens possibles pour sauver la vie de cette femme. Et certes, cela a été permis. Et donc, l'avortement dans ce cas-là a été permis. Avec certaines conditions, respectant certaines conditions. Tout cela pour repousser un plus grand mal. Le plus grand mal, c'est la mort de la femme. Et pour entraîner un plus grand bien. La vie de la maman. Et donc c'est à cause de cela que cela a été permis. Et justement, le Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, rahimahullah, dans une de ses argumentations, il nous dit qu'en réalité, on ne sait pas. Les médecins peuvent déterminer, et au final, tout se passe bien. Subhanallah. Au final, il n'y aura pas de problème. Certains vont nous dire, parfois il y a des fatwas, ou parfois il y a des médecins qui disent que oui, si l'enfant, on le laisse grandir, etc., eh bien il va naître handicapé, ou il va naître avec ci, ou il va naître avec cela. Subhanallah, il y a une famille que je connais très bien. Les médecins avaient déterminé que l'enfant allait naître sans boîte crânienne. C'est-à-dire le visage, mais rien autour du cerveau. Et donc forcément, il n'allait pas vivre. Ils ont dit que l'enfant ne va pas vivre. Il va naître sans boîte crânienne. Il n'aura Il aura le visage, oui, mais rien autour du cerveau. Et donc, il va mourir. Les frères ont demandé, le frère a demandé conseil aux ulama, etc. Les ulama, ils ont dit, tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Les médecins peuvent dire que ça sera comme cela, mais on ne sait pas. Ils se basent, ils n'ont pas vu l'enfant, ils se basent sur des suppositions par rapport aux éléments qu'ils ont, etc., etc., etc. On verra. Au final, subhanallah, l'enfant, il est né. Il était normal. Normal. Il était normal. Et jusqu'à aujourd'hui, Allahumma barak, il est comme tous les autres enfants de son âge, normal. Mashallah. Il fait plein de bêtises à la maison. Et donc, barakallahu fikoum, il est important qu'on ne se précipite pas. Il est important qu'on ne se précipite pas. Et certes, le comité, et donc là c'est le parce que Cheikh Al-Fawzan, il nous lit ici la fatwa du comité, donc permanent, le comité des grands savants. Après avoir déterminé cela, le comité recommande de craindre Allah et de faire attention à vérifier concernant cette affaire. Il recommande aux gens de craindre Allah, de ne pas se précipiter, mais vérifier avant de prendre vos décisions. Et certes, Allah est celui qui accorde la réussite. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et enfin, il nous dit donc ici, justement, une parole de Cheikh Ibn al-Uthaymeen dans sa risalah, dans son écrit Ad-Dima al-Tabi'iyya l'Innisa. C'est un écrit d'ailleurs justement que je voulais lire avec vous concernant le sujet des menstrues. C'est un écrit un peu plus détaillé. Oui, bien plus détaillé que ce qu'on a vu ici, qui nous prendra un peu plus de temps, inshallah ta'ala, avec plusieurs autres sujets. Mais ça, on le verra par la suite, biiznillahi ta'ala. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il dit dans cet écrit, أنه إذا قصد أو قصد قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس بغير حق بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. Si lorsque les gens font cela, ils ont l'intention de mettre fin à la vie de ce fœtus, de cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, alors après que l'âme lui fut insufflée, alors cela est interdit sans aucun doute. Car ceci, c'est tout simplement le fait de tuer quelqu'un sans droit. Et le fait de tuer quelqu'un sans droit, cela est interdit en se basant sur le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des savants. Et donc voilà concernant les propos du l'écrit de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, liés aux menstrues, aux lochis, aux micro-ragis. Et bien, idnillahi ta'ala, comme j'ai annoncé la semaine prochaine, on aura un examen pour ceux et celles qui se seront donc inscrits, donc afin de leur laisser une semaine pour réviser, pour ne pas enchaîner directement sur un nouveau sujet. Donc on leur laisse une semaine pour réviser, pour préparer l'examen, inshallah ta'ala. Ensuite, la semaine prochaine, on fait l'examen. Et la semaine d'après, on va commencer donc un nouveau sujet, donc toujours concernant les règles propres et spécifiques aux femmes, mais cette fois-ci liées à la prière, toujours du même écrit du Cheikh Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.